Bonjour, bienvenue sur le podcast de la cellule. Aujourd'hui, je suis en deuil parce que j'ai reçu un mail de quelqu'un qui voulait remettre les dés dans Sens. Et donc, ça va être notre thème aujourd'hui pour ce podcast. Est-ce que le système de Sens lui est indispensable? Est-ce qu'un système de jeu de rôle est indispensable au jeu de rôle? Est-ce qu'on peut le modifier? Est-ce qu'on peut le changer à tout va? Aujourd'hui, autour de moi, pour parler de ce thème, j'ai réuni les créateurs de Sens Exalogie. Flavie Garnier, Bonjour. j'ai respecté la galanterie, Benjamin Béliez Bonjour. et Thomas Poussou. Bonsoir. Bonsoir, oui, merci Thomas de ajouter un peu de contrepartie. Alors, tout commence avec ce mail que je reçois de quelqu'un qui m'écrit qu'il va remettre des dés dans Sens. Thomas, est-ce que ça te révolte? Non. Comment ça, non? Justifie. Allez, argumente. Je dois argumenter mon nom. Moi j'ai connu Sens avec des dés, donc ça ne me choque pas. Oui, mais bon, c'était une autre version. C'était pas celle qu'on connaît aujourd'hui. Elle était quand même beaucoup plus imparfaite. Puisque, avec ce système avec dés, j'ai eu le droit à de la compétition entre joueurs, ce que je ne veux pas. Alors, et pourquoi ça te dérangeait pas qu'il y ait des dés? J'ai toujours joué avec des jeux de rôle avec des dés. Oui, d'accord, très bien. Mais dans ce sens, ça te. Tu trouves pas que le système de maintenant est meilleur que celui d'avant? Ah si, totalement. Alors, mais pour quelle raison? Là, ça a l'avantage des systèmes sans dés, c'est que on est beaucoup plus libre. On est beaucoup plus libre pour toi dans un système sans dés. Le problème du dé, hein, c'est que on a l'échec critique. Par exemple, on veut ouvrir une serrure, Ouais. on jette son dé, on loupe, mais on peut pas l'ouvrir. Alors que dans ce sens, j'ouvre une serrure, si j'ai les compétences qu'il faut, ça s'ouvre. Ok. Non, dans ces cas-là, je suis pas totalement d'accord avec toi. C'est pas qu'on est plus libre, c'est qu'en Flavie. revanche, on est plus en accord avec le personnage qu'on a créé. Et que du coup, un serrurier confirmé pourra ouvrir une serrure, mais moi, en revanche, je suis vraiment révoltée par l'idée de remettre des dés dans le jeu. D'accord, ok. Pour revenir au thème. Alors donc toi, ça te révolte. Pourquoi? Bien, parce que je pense que le dé n'a absolument rien à faire dans ce sens. C'est un système de fait et que c'est quelque chose qui permet de fluidifier l'action. Quand on est autour de la table, on n'a pas besoin de dire. Bien, j'ai envie de faire ça, hop, on arrête l'action, on prend la pelletée de dés, on lance. Il faut ensuite qu'on calcule ce qu'on a fait, qu'on voit si ça correspond, quelle est la marge de réussite, et ensuite on a peut-être l'occasion de pouvoir jouer. Non, moi je pense que le système de fait permet de fluidifier Dommage. l'action. Ouais, Ouais. voilà, c'est ça, ça favorise pas du Benjamin. tout la fluidité du jeu, du roleplay, je trouve. Thomas. Alors oui, moi je suis révolté par ce que je viens d'entendre. Ah bon? Alors de suite on me dit une pelletée de dés. On peut faire un dé. Ensuite on me dit il faut faire des calculs. Seuil de réussite. Ouais, Retenir un bon. chiffre, c'est simple. Les tes exemples sont Alors assez les Non, tendancieux. alors moi je suis. Moi franchement, à chaque fois que j'ai eu des dés à lancer, ça me sortait de l'immersion. J'avais l'impression de Voilà, revenir directement dans la l'idée réalité de et de me Flavie mettre c'est de dire directement sur un dé. Agone. Agone. Bon arrête, Agone, moi attends, ça me attends. sort de l'immersion aussi, hein, je suis désolée. Moi je suis dans mon perso et là je suis obligée. Hop là, je vais prendre mon dé. Non. L'idée de Flavie c'est de dire finalement le dé, eh ben c'est ça ne rentre pas dans le sens parce que dans le sens il y a un système d'immersion et que finalement le dé va contre l'immersion. C'est vrai, je veux dire, tu peux pas dire qu'un joueur qui a fait rouler un dé, là, il est en fond en train de jouer son personnage, Thomas. Moi, dans ce sens, je suis dans un monde où on nous dit que il y a du déterminisme, il y a sens qui dirige tout. Ouais. Pourquoi pas sens serait du hasard? Bah non. Sens, Ouais, c'est pas moi, le hasard. Benjamin? Je suis Ça donc dépend de je suis l'univers du pas joueur. révolté par l'introduction du dé, moi c'est plus le pourquoi et le comment. C'est réintroduit dans le système. Alors, la personne qui m'a écrit ce mail m'a dit c'est parce que mes joueurs refusent de jouer avec du sans dé. Pour eux, quand on fait une partie de jeu de rôle, il faut qu'il y ait un dé. Alors là, ça touche à un autre problème, c'est si tu Alors. veux effectivement séduire tes joueurs, le but c'est qu'ils viennent et qu'ils s'amusent. S'ils sont totalement réfractaires, t'auras beau avoir un très bon système sans dé, tu peux rien faire. Ouais, Là, non. après, c'est Donc une. il faudrait répondre, écoute, sans c'est pas pour tes joueurs, quoi, entre guillemets. Bah quelque part ouais parce que je pense que la façon dont on pourrait réintroduire le dé dans le système, Ouais. ce serait que ça respecte quand même les thèmes sous-jacents du système. Du jeu. Ouais. C'est-à-dire, moi, éventuellement, ça me gênerait pas de réintroduire le dé avec parcimonie, comme disait Thomas, pour réintroduire du hasard dans le système déterministe de sens, okay. Mais de façon peut-être avec des points d'immersion. C'est-à-dire, le fameux point magique qui va te permettre, tiens, en tant que maître de jeu, j'ai instauré une situation où tel événement est déterminé. Toi, tu utilises un point d'immersion pour lancer un dé. On va dire que sur tel point, enfin ouais. Phase de dé, ça va se passer comme Sans l'avait prévu. Dit, ouais, mais tu vois. Tu vois comment t'es. Dans ces cas-là, on élimine le principe même d'effet de cellulis qui permet de redevenir un peu tout puissant, et pour moi on retrouve un gros défaut par exemple qu'on pouvait avoir sur la flamme dans Agone où tu vas faire un truc méga génial mais peut-être ce sera pas si génial que ça. En fait ça dépend, parce que si l'action du joueur son lancer de dé réussit et que le maître de jeu lui dit t'as réussi, décris-moi comment tu réussis. Non, mais attends. Là, je suis pas d'accord avec toi, parce que quand tu introduis un dé, quand tu commences à lancer un dé, en fait, tu réintroduis une nouvelle forme de déterminisme, c'est-à-dire que tout le monde va être soumis au choix aléatoire du dé. Et du coup, la liberté du joueur, elle se traduit par quoi ? Par le fait de lancer, de faire ce mouvement-là, de lancer un dé. Je suis pas d'accord. Du coup, il est soumis à une nouvelle forme de déterminisme, le choix du dé. Et en fait, c'est pas vraiment le joueur qui choisit. Mais au moins, c'est plus le déterminisme du MJ. Ouais, de d'accord. Sens. Tu vois ce que je veux dire? Alors je voudrais aller dans ton sens, hein, si j'ose dire. J'ai reçu un autre mail de Julien Gobin qui participe au forum. Oh là là là là. Au forum, il est tard ce soir, attention. Au forum Silent Drift, et qui m'a dit, moi j'ai réintroduit un dé d'une autre manière. Il me dit, moi mes joueurs ils voulaient à tout prix lancer le dé, moi j'avais envie à tout prix de jouer à sens. Donc ce que j'ai fait, c'est qu'en fait, il lance le dé, mais au final, ça n'a pas beaucoup d'incidence. Là par contre je suis contre. Alors là c'est complètement contre. Alors pourquoi t'es contre? Je suis contre parce que Julien Gobin qui participe au blog de la cellule pourra te répondre. Ouais volontiers, moi y a pas de souci. En fait je trouve que le jeu se base sur l'honnêteté du MJ égale sens. C'est-à-dire moi j'ai prévu qu'il se passe ceci. Les bugs avec les éléments tout à fait indéterminables, je sais pas si ça se dit, mais enfin, on s'en fout. Qui vont contrecarrer mes plans. Je trouve que c'est quelque part malhonnête de dire, tu penses avoir réussi l'action, mais moi ça m'arrange pas ou je veux pas, et en fait ça va pas vraiment. En fait, c'est ce qu'on appelle typiquement un système illusionniste, c'est-à-dire que en fait on fait croire aux joueurs qu'ils ont une force avec ce dé, qu'ils vont lancer, qu'ils vont pouvoir changer les choses, mais en fait c'est une illusion. Je trouve que le contrat qui est passé entre le joueur de sens et le MJ de sens, il est rompu dans un système comme ça. Ouais, d'accord. Mais alors cela dit, donc je comprends bien ton point, mais cela dit, ce qui est intéressant, c'est que lui disait, ouais, mais attends. Comment est-ce que dans ce sens on définit la liberté pour les joueurs ? Comme une illusion, et c'est bien précisé dans le livre. Et donc il m'a dit, est-ce que quelque part ce système illusionniste ne convient pas mieux pour exprimer cette forme de liberté volée par sens en fait, cette illusion ? Flavie, je te vois dire non, oh là là là là là là. Alors, ouais, Flavie ? Déjà, le contrat qui est passé entre sens et les joueurs... n'est pas illusionniste, puisque les joueurs savent qu'ils vont devoir combattre finalement le déterminisme et remettre des dés élimine en plus le pouvoir du maître de jeu qui est pourtant ce qui est censé nous amener à jouer. D'accord. Ouais. Et finalement, ça n'apporte pas plus de liberté ou autre chose, c'est juste qu'on finit par jouer à un autre jeu et que ça ne sous-tend pas même tous les principes philosophiques auxquels on peut réfléchir avec ça. Ça biaise absolument tout. Alors, Benjamin. Moi, je suis effectivement d'accord. Je trouve que la réintroduction du dé pour remplacer le système de fait, c'est tuer un des thèmes de sens. C'est pas possible. Directement. Ouais. Moi, si tu veux, le fait de réintroduire une action hasardeuse comme ça sur un jet de dé, pourquoi pas, mais sur toutes les actions. Niette, impossible. Impossible. Là, pour moi, c'est vraiment un respect du système de fait. Ok, ouais. Ok, très bien. Dans ces cas-là, autant remettre des compétences et des serrureries, etc. Normalement, ouais. On est censé pouvoir faire quelque chose de beaucoup plus ouvert et éliminer les dés permet quelque chose de beaucoup plus ouvert, même dans la création de personnages. Alors, j'en viens justement à une transition, attention. Sur Silent Drift, il y a un débat sur cette phrase que l'on trouve dans la plupart des jeux de rôle dits classiques, qui est « Bon, on vous propose un système, mais globalement, vous pouvez en faire un petit peu ce que vous voulez. Si certaines règles ne vous plaisent pas, vous pouvez les changer. » Thomas, quel est ton avis sur cette phrase? Qu'est-ce que t'en penses? Moi, en tant que master, j'ai toujours fait ça. C'est-à-dire qu'on on propose un univers, l'univers me plaît, donc je décide de le maîtriser. On propose des règles, les règles me plaisent. On propose des règles, les règles me plaisent pas, ben, je les vire. Alors, moi je tiens à dire que ça me révolte tout de suite. Bobo, qu'est-ce que tu en penses? Moi, dans ma façon d'aborder la chose, je sais qu'il y a des points du système que je vais pas utiliser tel quel, que je vais changer. Tu vas changer? D'autres que je vais conserver tel quel parce que je trouve qu'ils sont ils défendent un thème. C'est pas juste un système, c'est un système qui défend un thème et des idées de jeu. D'accord. Donc voilà, je sais qu'il y a des points, par exemple, j'ai pas encore très bien réfléchi dessus, mais les points de cellulis, enfin ouais. D'immersion et l'utilisation de fait de cellulis, je pense pas l'utiliser tel quel. Je vais le modifier. Par contre, tu vois, le fait d'avoir des faits de simulacre, ça c'est quelque chose que je ne pense pas pouvoir changer parce que ça trahirait un thème de sens, le fait d'avoir des propositions qui définissent un personnage. Ok, très bien. Donc, fiction ou réelle. Là, on reste dans le cadre de sens, mais en général. C'est-à-dire que toi, quand tu as maîtrisé d'autres jeux de rôle de sens et que tu as aperçu cette phrase, c'est-à-dire la clause de l'indifférence du créateur vis-à-vis de ses règles, finalement, qu'est-ce que t'en as pensé? Je te dis, moi, je reviens à cette idée que si tu trouves dans un jeu que un système défend une idée, ouais, il faut la conserver parce que c'est comme. C'est un mot qui revient très bien et qui est très bien choisi. Ça fait la couleur du jeu. Ouais, ok. Flavie ? Alors moi, Bon, j'ai déjà changé des règles dans des jeux de rôle auxquels j'ai joué. Oui, on se souvient d'une campagne d'Anima. Oui, mais rien en fait, à voir. C'est parce que ces jeux-là ne me plaisaient pas et qu'il y avait juste des aspects du jeu qui me plaisaient. Et au final, on n'a pas joué à ces jeux. Mais quand un jeu est bien fait, je pense qu'il n'y a pas besoin de changer les règles. Et je pense qu'à l'occasion, des jeux comme Nobilis ou comme Sens, qui sont en plus des jeux sans dés, donc qui ont besoin finalement de certaines règles pour pouvoir vraiment réussir à marcher, ne peuvent pas être changés. Limite, un jeu avec des dés de base, bon, si tu gardes certaines compétences, etc., on va dire qu'il y a des choses qui peuvent être... je suis pas pour changer les règles, mais bon, ça va moins biaiser le système de règles. C'est-à-dire, par exemple, changer un D12 par un D6 ou ce genre de choses. Voilà, déjà, ça aura peut-être un peu moins d'incidence, même si, bon, au niveau des proportions, etc., qu'un système de fait qui est basé vraiment sur des principes de règles ne peut pas, à mon avis, être changé. Alors moi, pour donner mon opinion là-dessus, mon avis, je suis totalement contre changer ne serait-ce qu'une infime partie du système. Puisque à partir du moment où on... Oui, Thomas, tu peux me regarder, tu peux gueuler. Je suis entièrement je suis entièrement contre cette idée parce que pour moi, à partir du moment où on change une règle, on cesse de jouer au jeu de rôle auquel on prétend jouer. Si je joue à Vampire et que j'utilise le système de Deadland, je ne joue plus à Vampire. Je joue ni à Deadland ni à Vampire, je ne joue à aucun jeu de rôle, aucun de ces deux jeux de rôle. Je joue à un autre jeu. Et il y a autre chose, c'est que un créateur, lorsqu'il fait un système, il le pense en fonction de nombreux playtests, de nombreuses parties, et parce qu'il recherche de faire, car il veut faire en sorte que ses joueurs ressentent telle ou telle chose. Dans ce sens, c'est clair, l'immersion, ça sert à l'oppression, l'effet, ça sert à la liberté, ça sert aussi au background métaphysique de Wittgenstein, comme on le disait dans un précédent podcast, ça sert à tout ça. Et voilà. Et moi, pour moi, cette dichotomie qu'on fait entre univers et système, eh bien, ça ne veut strictement rien dire. Thomas. Moi, j'ai un superbe exemple. Je prends Cthulhu. Cthulhu. Cthulhu, l'univers Cthulhu est très bien. Les règles, c'est de la merde. Ouais, mais si tu veux Cthulhu, nous, en tout cas, quand on fait des parties de Cthulhu, on rigole du fait que les règles, ce soit de la merde. Je veux dire, j'ai publié sur mon blog des parties où on entendait des joueurs dire « On s'en fout, c'est Cthulhu !» Ça nous fait marrer. Ce qu'on cherche à Cthulhu, c'est justement, on cherche presque à se moquer des règles, quoi, les jets de tocs successifs, voilà, ce genre de choses. Simplement, pour venir sur Cthulhu, ce qui nous plaît, c'est l'univers, et c'est pas les règles. Moi, je pense qu'il y a des créateurs qui, eux, les règles, ils s'en foutent, ils vont développer leur univers, et après, les règles, on prend des règles qui marchent, ça n'a pas l'importance. Et après, il y a des gens qui vont On crée un univers, mais surtout le système qui est important. C'est pour ça qu'on a eu des sorties de jeux, genre le système des vins, où on va faire que des règles de système. Et après, on prend un univers divers et varié. Mais de... Au niveau de... je pense que tu as dit un mot important, le mot créateur. Il y a quand même des jeux, on t'a cité Anima tout à l'heure, qui sont clairement des sortes de commandes. Je doute qu'il y a une vraie proposition créatrice là-dedans. Qui fait que du coup moi j'ai eu moins de problèmes à changer les règles dans le jeu que j'aurais eu à en changer dans des jeux comme Écrime ou tu vois ou pourquoi il n'y a pas de création d'Anima. J'ai pas dit qu'il n'y avait pas de création, j'ai dit que c'était des jeux plus à qui visent à un public très très large et qui n'ont pas forcément la vocation à vraiment faire quelque chose avec une proposition créatrice claire. Alors là, je sens qu'on va se faire des ennemis. Ah, je suis désolée, je dis ce que je pense. Donc moi, c'était pour donner un peu plus d'exemples. Moi, je voudrais faire un parallèle avec le jeu vidéo. Actuellement, on va trouver des jeux vidéo au niveau du développement. Il y a les gens. On a deux systèmes. On a le gameplay, on a l'univers. Ouais. On va créer un jeu vidéo, il y a des gens qui vont partir dans l'idée, moi je crée un tout nouveau univers. Ouais. Et donc le gameplay, on prend un truc qui marche vite fait. Ah là là là là là là là là. Mais alors là Thomas, tu prends un très très mauvais exemple parce que là, si j'ose dire, tu prends le bâton pour te faire battre. Parce que quand on prend par exemple un système de jeu, comme par exemple celui de God of War par exemple, c'est tout bourrin, et si tu l'appliques un Resident Evil, je peux te jurer que tu vas avoir tous les fans de Resident Evil sur le rable. Parce que le problème, c'est que tu vas te retrouver avec un jeu qui ne fait plus peur. Et ce que recherchent la plupart des joueurs de Resident Evil, c'est avoir peur. Et donc, il leur faut un système de jeu presque quasi pourri, où le personnage se déplace assez mal, etc. Et en fait, tout dépend de ce que recherchent les joueurs et de ce que propose le créateur. Voilà. Moi, ce que je veux juste te dire, c'est que ton exemple, il est encore plus pitoyable parce que tu prends d'un extrême à un autre. On prend le cas du FPS. J'en parlais avec un très bon ami Benoît, mon colocataire. Le FPS. On prend un exemple sur deux jeux. On prend Borderlands et on prenait Modern Warfare 2, un Call of Duty. Call of Duty, au niveau, on va dire, du background, enfin de l'univers, ça n'a rien d'innovant. C'est quelque chose qui a été fait des tonnes de fois. Par contre, les gars, quand ils ont développé le jeu, l'univers il est déjà pris, donc on se fait pas chier sur l'univers. Par contre, pour pouvoir nous démarquer, on va faire un gameplay. Très bon gameplay. Ouais, justement. Maintenant, on va prendre Borderlands. Le système est important. Voilà. C'est ce que maintenant, on va prendre Borderlands. Borderlands, les gars, ce qu'ils vont faire, c'est qu'il y a un système. Il est pas terrible. C'est vraiment un truc, ça marche, mais c'est pas top. Par contre, les gars, ils ont dit, on va prendre l'univers, on va complètement changer. On va mélanger un style FPS et on va prendre un mélanger du hack and slash. Qu'est-ce que du FPS et du hack and slash? Et là on va prendre le FPS, ça te parle? Oui, bien sûr. Voilà. J'espère le hack and slash, c'est du Diablo. Oui, je connais très bien le hack en and FPS. Slash aussi. Et donc dans le système, c'est que on a quelque chose de nouveau qui fonctionne bien. Oui. Les gars, ils ont vraiment bien développé leur univers, mais le gameplay, il est pas terrible. Et le jeu, il cartonne. Oui, mais tu vois ce que je veux dire, Thomas, c'est qu'il est tellement plus efficace pour un créateur de faire un système en adéquation avec son jeu. Si par exemple je cherche à te faire peur, je vais pas prendre un gameplay à la God of War qui dépend du créateur. Oui, mais justement. Donc si le problème du jeu vidéo, c'est que toutes les armes sont dans les mains de celui qui va publier le jeu vidéo, celui qui va créer le jeu vidéo. Et toutes les armes sont dans ses mains. C'est-à-dire que le joueur qui va jouer au jeu vidéo, il est passif vis-à-vis de ça, vis-à-vis de cette création-là. Il peut pas changer les règles. Donc en fait c'est un bon exemple pour montrer que le système, enfin le gameplay on va dire, et l'univers doivent être liés, mais c'est un très mauvais exemple de création. Le problème, c'est que le maître de jeu qui chope un jeu, il va avoir ce choix de pouvoir le modifier, et ça pour moi c'est un scandale. On doit pas modifier les jeux. C'est pour moi un jeu, il doit être bien tout de suite ou pas bien. C'est voilà. Ouais, mais c'est à ce moment-là, c'est un gars qui te propose un super univers. Mais des règles bas de gamme, maintenant tu joueras jamais. Non, c'est pas le problème. Mais je lui dirais, qu'est-ce que tu veux faire ressentir aux joueurs avec cet univers? Qu'est-ce que tu as envie qu'ils explorent, par exemple? Est-ce que tu as envie qu'ils explorent tel aspect de l'univers ou plutôt tel autre? Qu'est-ce que tu as envie de faire de cet univers? Et là, je dirais, le système qu'il te faut, c'est plutôt celui-là ou plutôt celui-là. S'il me dit, moi c'est un univers, je l'ai créé, c'est pour faire de la baston, pour faire des pecs, pour que mes joueurs ils augmentent leurs personnages et qu'ils soient en concurrence entre eux, je leur dirais, c'est très bien, faut que tu fasses un jeu avec un système basé sur le combat. Ouais, mais s'il me dit, non, ce que je veux, c'est les sentiments. Mais je vois pas comment on peut s'en foutre du système, Thomas. C'est ce qui cautionne, c'est ce qui fait en sorte que les joueurs s'entendent autour de la table. C'est le point commun, c'est le tronc commun qui fait que. C'est ce qui posait problème d'ailleurs au début. au début à la table à laquelle j'ai joué à Sens, ouais. C'est au début tes règles n'étaient pas forcément claires hein, sur certains points. Pas du tout. Et on s'est retrouvé avec des gens qui, comme moi, essayaient de travailler le personnage, etc. Et à côté de ça, on avait des duels à ta table pour savoir qui avait la plus grosse quand ils avaient qui avait tué le plus gros quadrilla, quoi. Ouais, voilà. En fait, le problème, c'est que le système que j'avais fait faisait en sorte que les joueurs avaient des points, d'accord, des points, c'est des chiffres. Donc bah, celui qui a 6 en machin, il est plus fort que celui qui a 4 en machin. Et le problème, c'est qu'ils se battaient pour être les plus forts. Et donc ça, j'ai dit, Sens, c'est un jeu de coopération. C'est un jeu aussi où le but, c'est de faire réfléchir autour de la fiction de Sens. Donc ça n'avait pas sa place. Et puis il y a autre chose, c'est qu'il y avait, comme tu le dis Flavie, les compétences de combat prenaient une place prépondérante. Mais citez-moi un jeu de rôle du commerce aujourd'hui dans lequel il n'y a pas des règles pour gérer le combat. Citez-moi un seul. Thomas. Repose ta question. Est-ce qu'il y a un jeu dans le commerce dans lequel il n'y a pas de compétences pour gérer le combat? Bah, vu que j'ai arrêté un peu le jeu de rôle depuis un bon moment, je dirais non, parce que dans tous les jeux, il faut de la baston. Dans tous les jeux, il faut de la baston. Qu'est-ce que c'est que cette idée? Et alors, qu'est-ce qu'on fait des gens qui n'ont pas envie de baston? T'as le problème, c'est que tu as dit dans les commerces. Et que dans les commerces, je ne connais pas assez, mais... sur le net, il y a plein de jeux où il n'y a pas forcément de baston. Ah, voilà, oui. Mais dans les commerces. C'est quoi cet élitisme pourri? C'est-à-dire que ce qu'on vend dans le commerce, c'est de la merde? C'est pas une question sur le net, de ça. Non, c'est pas une question de ça. C'est pas une question d'élitisme. C'est juste l'idée, c'est de dire regardez, si on regarde les jeux auxquels les gens jouent massivement et que les gens achètent dans le commerce, il y a toujours des règles pour le combat. Et donc, ça ne permet pas aux joueurs qui ont envie de développer, par exemple, la psychologie de leur personnage à fond, de le faire. Alors on va me dire, mais si, parce que évidemment il y a des capacités, il y a des caractéristiques diplomatiques, il y a des caractéristiques mentales, etc., etc. Mais à côté des règles de combat, bah, ça va faire en sorte qu'il y a des joueurs à côté qui vont chercher à tuer des monstres, alors que moi par exemple j'ai envie de développer mon personnage, oui, et ça va créer des conflits. Pas parce que, si, ça va créer des conflits autour de la table. Flavie. Oui, ça crée des conflits. Maintenant, dit comme ça, sur la fiche de Sens, dans ces cas-là, il y a l'effet extra-personnel, tu peux mettre des faits comme quoi t'es bourrin. C'est pas le vrai problème de savoir qu'il y a ça sur l'affiche. Le vrai problème, c'est que ces points-là amènent des joueurs à rentrer en confrontation. Faut que le système de l'affiche oblige à ne considérer que son personnage. Mais en fait, le truc, c'est que dans, si tu prends par exemple l'exemple de Sens, mais de plein d'autres jeux indépendants, les conflits sociaux et les conflits physiques sont sur le même niveau. Je peux arrêter une balle en convainquant le gars en face de ne pas tirer. Et c'est ça le truc. Donc du coup, oui, il peut y avoir de la baston, mais le gars qui a décidé de développer la psychologie de son personnage, oui, mais bien sûr Thomas. Attends, je tire une balle là, la balle elle est partie. Non, t'es capable de l'arrêter avec. Non, sur le principe, c'est à l'initiative, l'autre pourra dire oui, mais avant je l'ai convaincu et donc avec, l'autre a avec un tour de jeu en combat, tu peux très bien faire une parole, c'est-à-dire essayer de convaincre l'autre qu'il a tort et de t'empêcher de te tirer dessus la prochaine fois. C'est un conflit, mais il est à traiter au même niveau que les conflits physiques. Donc voilà, et donc à ce niveau-là, eh bien. Mais on s'est un petit peu emporté. Et donc, du coup, la cohérence de ce podcast est absolument infernale. Quoi qu'il en soit, pour revenir au problème initial, est-ce que le système de jeu est important? Ah oui, un système de jeu est important, mais on peut le changer. Oh là là là là. Benjamin, qu'est-ce que t'en penses, toi, de ton côté? Moi, je dis que le système de jeu, il est crucial. Et que effectivement on peut le changer, mais non, me regarde pas comme ça Tom, j'abonde pas vraiment dans ton sens parce que arrête mais non, si. Non parce que pas de copinage, j'ai l'impression que tu me dis ouais c'est important mais on peut le changer par n'importe quel autre. Non je dis pas par n'importe quel autre, je prends sens. Non, je veux pas qu'on fasse le débat, c'est alors juste, voilà, Benjamin, moi je dis est-ce que tu pourrais argumenter, on peut le changer à partir du moment où je te dis, il a un lien avec les thèmes que t'abordes dans ton jeu de rôle. Alors qui aborde, le créateur ou le maître de jeu? Bah, de toute façon, au départ, nécessairement le créateur. D'accord. Donc en fait, toi, tu lis le livre, tu Mais regardes après... un peu les thèmes que va aborder le créateur, et puis tu fais, s'il faut modifier le système pour l'améliorer, tu vois. Et après, moi, en tant que MJ, j'utilise ce qu'a fait le créateur. Si j'ai besoin de changer quelque chose parce que une partie de sa vision, je suis pas Attention, parce que en fait, il y a deux trucs. Soit tu dis que son système du coup est mal fait pour traiter les thèmes, c'est-à-dire tu dis ouais, bon, et, créateur, j'ai bien compris les thèmes de jeu que t'as fait, mais moi je te trouve que éventuellement c'est... pour les traiter à la façon où je veux les traiter. Ah ouais, donc tu modifies vraiment le truc. Tu joues pas au jeu du créateur. Tu joues au jeu du créateur modifié par Benjamin Béliès. Ça dépend. Et encore même pas. Tu joues au jeu de Benjamin Béliès. Je prends ton exemple sur les thèmes que tu abordes. Si moi je veux les aborder, mais d'une façon. Différente. D'une façon différente, je vais avoir besoin éventuellement un point de règle. De le changer, pas fondamentalement, mais pour qu'il me parle moi et pour que je puisse l'aborder le mieux possible, mm-hmm. je vais être obligé de le changer. Comme je parlais tout à l'heure, d'utiliser les points d'immersion d'une façon un peu différente. Il y aura toujours des points d'immersion. Ouais. Fondamentalement, l'esprit sera le même, mais esthétiquement, ça se montrera pas de la même façon. Donc, alors, ça c'est important. Parce que si tu dis que tu changes, par exemple, tu tombes sur un jeu et puis tu lis, tu vois les propos que le créateur veut soutenir et puis que tu changes son système, il y a deux manières. Donc, comme tu dis, toi tu dis plutôt pour après, défendre les trucs que faut, moi j'ai envie d'explorer. Il faut pas oublier que si moi je deviens MJ de la ouais. création d'un autre, où il aborde des thèmes, c'est que quelque part je suis fondamentalement d'accord. D'accord. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, bien sûr. Ouais. Ou en tout cas, il y a des points sur lesquels vous retrouvez. Je pense pas que changer quelques règles quand on abonde dans la couleur du jeu, ce soit un crime. D'accord. Ouais. Je dis, après, de toute façon, ce débat sera réadapté à chaque jeu de rôle que tu veux traiter et à chaque modification que tu veux apporter. Et là, on n'a pas fini de faire des podcasts. Ouais. Ouais. Pour ma part, et pour avoir changé de nombreuses règles dans de nombreux jeux de rôle, ouais. et pour m'être retrouvé avec des jeux vraiment bancals, je pense qu'il vaut mieux ne pas changer les règles et essayer de, je sais pas, de faire preuve d'imagination. Et de créer son propre truc, peut-être. Ouais, dans ces cas-là. Et sinon, on ne change pas les règles d'un jeu de rôle, à mon avis, surtout pas dans un jeu de rôle sans dés. D'accord, ok. Changer les règles, c'est important. Gardez-la telle quelle, soyez réfractaires. Non mais bon, il y a de, enfin, de toute façon, dans la communauté rôliste, c'est clair et massivement, les gens pensent que les systèmes peuvent être changés et doivent parfois être changés. Oui, mais s'il y a autant de playtests, c'est peut-être parce que c'est pas si facile que ça que de changer les règles. En fait, le problème est très très large. C'est-à-dire, c'est une manière vraiment de une vision vraiment sur le jeu de rôle qui est vraiment très différente. C'est-à-dire que d'un côté, on a certaines personnes qui disent le jeu de rôle, il y a une espèce de dichotomie entre d'un côté il y a l'univers et de l'autre le système, et de l'autre des gens qui disent non, le système c'est l'univers. Le système cautionne l'univers si la fiche de personnage est bien faite. Alors justement, c'est-à-dire que ça va plus loin, c'est-à-dire que pour des gens, pour certaines personnes, notamment des espèces de roublards qui fréquentent Silent Drift, que je salue au passage, mes camarades de cellule. Carrément, le système, c'est l'univers. C'est-à-dire que tu peux même avoir. C'est ce que je voulais dire en disant que ça cautionnait. Hein. Je pense que l'univers, s'il est bien fait, alors, et normalement, les règles vont avec. Il hein. y a une différence entre avoir un jeu de rôle qui cautionne l'univers ou qui s'adapte à l'univers, et un système, pardon, qui s'adapte à l'univers, pas un jeu de rôle, un système qui s'adapte à l'univers, et avoir un système qui est l'univers. Oui, mais le système, s'il s'adapte à l'univers, c'est qu'il est l'univers. Je veux dire, voilà, un jeu de rôle comme Dogs in the Vineyard, tu ne te vois pas jouer à Dogs in the Vineyard avec un autre système de jeu. Tout simplement parce que le système et l'univers, bon, c'est vrai, ils ne font mais qu'un. Mais l'univers dans Dogs in the Vineyard, c'est 10 lignes. 10 lignes, oui, l'univers parce qu'on dans Dogs in the Vineyard. L'univers au fur et à mesure, bah, là, c'est pareil, un peu avec sens. On va développer une partie de l'univers, c'est-à-dire nos personnages en même temps. Et ouais, mais voilà, c'est ça qui est génial dans Dogs in the Vineyard. L'univers, 10 lignes, le système, le reste du bouquin. Et pourquoi? Eh bien parce que en fait le système de jeu, c'est ça, c'est le jeu en lui-même. Un créateur qui te dit ben, l'univers je m'en fous, le système est important. Mais non, parce que l'univers, en fait le truc c'est que son univers lui permet l'univers c'est quoi dans Dogs in the Vineyard? C'est des religieux qui se déplacent pour juger de certains cas. Leur but du jeu c'est de faire la police des mœurs en gros. Et donc, ils vont être juges de certaines situations. Et tout son système est basé sur cette idée du jugement. Et le système t'amène à juger, t'amène à remettre en cause tes croyances, etc. Et donc, il y a vraiment une démarche au niveau du... Benjamin, tu veux dire quelque chose? Non? Ok, d'accord. Non, je te voyais... Fausse alerte. Robert, ok. Donc voilà, donc bon, le système est important. Moi vraiment, je pense qu'on ne peut pas modifier le système d'un jeu. Et pour revenir à ta question de début, moi je continue à dire qu'on ne peut pas rajouter de dés dans le sens. Alors donc voilà, c'est Thomas. J'ai juste une chose à dire, que maintenant si on édite un jeu, ben, faut être prêt à accepter que des gens ont une autre interprétation de ton jeu. Ben, en fait, le truc c'est que oui, d'accord, ok, soit on peut faire un sens bis ou un, je sais pas, nobilis bis, mais on ne jouera pas, il faut reconnaître que si on modifie une règle d'un système, on cesse de jouer au jeu de rôle. Bah, on cesse de jouer à nobilis. Si je rajoute les personne dés dans... ne joue à nobilis. Mais c'est justement ce que les gens de Silent Drift soutiennent. C'est-à-dire, c'est cette idée que dans le commerce, en ce moment, on est tous en train de jouer à des jeux. On est tous en train de dire je joue à tel ou tel jeu, et finalement, on n'y joue pas parce qu'on change le système. Et il n'y a qu'un seul jeu qui échappe massivement à cette règle. C'est qui ? Non, c'est qui ? C'est Donjons et Dragons. Lui, par contre, tout le monde joue avec les règles. Pourquoi ? Parce que les règles dans Donjons et Dragons, son univers, parce que le donjon est... Mais oui, toi, tu peux me regarder aussi follement que cela, c'est vrai. C'est-à-dire que dans Donjons et Dragons, eh bien, tout le système met en avant des gens qui tapent sur des monstres pour gagner des trésors, et c'est ça qui est drôle, c'est d'être en compétition avec les autres pour avoir le meilleur personnage, celui qui tapera mieux, celui qui fera... Moi, je dirais qu'une seule chose, c'est les joueurs de Donjons et Dragons, quand ils jouent à un autre jeu, bah, qu'ils veulent faire du Donjons et Dragons. Mais, oui, mais justement, en fait, c'est ça le truc. C'est que des gens qui ont envie de jouer à Donjons et Dragons, ils jouent à Donjons et Dragons. Mais on peut pas utiliser les règles de Donjons et Dragons pour jouer à Sens. Donc les univers et les systèmes ne sont pas indépendants. C'est une question d'interprétation. Je pense aussi que c'est une question autour de la table de ce que veulent faire les joueurs. Alors, exactement. C'est-à-dire qu'il y a une idée de contrat. Moi, si je joue à Sens, j'ai pas envie de faire du Donjons et Dragons. Mais parce que c'est pas mon trip de jeu. Alors voilà, c'est ça, c'est-à-dire ce que Ron Edwards plusieurs personnes sur Silent Drift appellent ce qu'on appelle le contrat social, c'est-à-dire qu'au début la table s'entend pour dire bon allez, on joue à quoi ce soir finalement, qu'est-ce que vous avez envie de faire autour de la table, et puis si on voit des gens qui ont des opinions divergentes sur la manière dont ils ont envie de jouer, il va falloir mettre ça au clair dès le début pour dire voilà, on... Et logiquement, en fait, ce qu'on doit faire, c'est créer un système qui ne laisse pas la possibilité que les gens ne s'entendent pas à la table sur ce qu'est le jeu de rôle auquel on joue. C'est-à-dire que si, par exemple, je joue à Donjons et Dragons, je vais pas pouvoir, à un moment donné, jouer une histoire d'amour avec la concierge de l'auberge. Enfin, si peut-être, mais ce sera, le système ne permettra pas de résoudre les conflits dans cette situation. Détrompe-toi, il y a des compétences dans Donjons et Dragons de drague. Oui, tout à fait. Non, c'est un très mauvais exemple. C'est du narrativisme à la vanille. Mais non, c'est un très mauvais exemple. Oui, c'est vrai. C'est juste que c'est clair, quand tu joues à Donjons et Dragons pour friter un dragon, si tu commences à vouloir proposer à tes joueurs que des romances ou que des conflits politiques, forcément ça va les saouler. Mais comme tu dis, bon, moi je traîne pas sur Silent Drift, je connais pas les théories qui sont débattues, mais c'est clair que à tout JDR, à la base, t'as un contrat entre tes joueurs et le MJ. C'est juste la base d'un jeu de rôle, quoi, quel qu'il soit. Après tout, on est là pour passer un bon moment, hein. Bah oui, c'est sûr, mais justement, oui, mais la condition pour passer un bon moment, c'est que tout le monde autour de la table se réunisse à jouer pour être d'accord. Il faut qu'on soit d'accord sur ce à quoi on joue ce soir. Ah, et c'est ça qui est important. Ça se fait en quelques minutes, hein. Ça vous dit de faire un scénar ce soir ? Je vous propose tel jeu. Ouais, non, ça me motive pas trop. Et tel jeu ? Ah ouais, tiens, pourquoi pas ? Ça va plus loin de ça. Benjamin, tu voulais dire quelque chose ? Je rejoins ma propre idée, en fait. Donc, ce que j'avais dit tout à l'heure, c'est l'honnêteté du maître de jeu à la base dans le sens par rapport à la modification que vous voulez apporter Julien Gobin, ouais. C'est en tant que MJ, t'as pas le droit de mentir à tes joueurs. C'est vrai que le maître de jeu dans le sens est décrit comme un guide par le biais des PNJ, si, mais d'illusionner un personnage sur la réussite d'une action, quoi que ce soit, non. Ouais. C'est là le contrat est rompu. Bon, voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur ce thème, je pense. Est-ce que l'un d'entre vous a quelque chose à rajouter avant de conclure ce podcast? Dans l'ensemble, je pense qu'on a campé sur nos positions, mais au moins on connaissait les autres maintenant. Non, mais bon, c'est voilà, chacun. Chaque... C'est pas une critique, je te dis. Non, moi, non, je suis, au moins aujourd'hui, je sais quelles sont les idées de chacun sur ce sujet. Et c'est un débat intéressant. Donc, mais c'est vrai que je change pas mon point de vue et je suis pas forcément d'accord avec Speedfly ou celui de Tom ou le tien, mais au moins on voit rarement des débats sur Internet où les gens changent d'avis. Hein, ça c'est très très rare. Moi, je comprends bien sur mes positions aussi là-dessus. Thomas, tu voulais rajouter quelque chose peut-être? Changer les règles. Ok, d'accord. Il veut avoir le mot de la fin avec son changer les règles. Non, bon. C'est important. Je pense qu'on aura tous le mot de la fin avec sur sujet à un bientôt. Ouais, voilà, c'est ça, je pense. Donc voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Si vous avez des choses à rajouter, n'hésitez pas à les rajouter dans les commentaires. Et puis à voir un petit peu quel est votre point de vue sur ce débat. Est-ce qu'on peut, oui ou non, changer les systèmes de jeu sous peine à ne plus jouer à ce jeu? La question reste ouverte à la fin de ce podcast et tout le monde campe sur ses positions. Ça nous promet des beaux marronniers. Voilà, bon allez, comme dirait le Grumpf, râlez moins, jouez plus, c'est ça qui compte. Moi je vous dis à bientôt, on vous dit à bientôt pour un prochain podcast. À bientôt tout le monde. Salut. Au revoir.